Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. À toi. Oh. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de leur bol. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charbonvary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary? Eh bien, c'est elle. Ils se marient, et puis ils vont crêcher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. C'est assez hot, zizi bâton. Emma, elle kiffe le swag. Alors elle claque son bif pour des petites loup-boutins easy et des bananes Ernest. Enfin, des trucs de luxe, quoi. Le bail, c'est que Charbonvary, il n'a pas une thune. Alors Emma, elle est obligée de faire des emprunts au bonhomme de cet LM. Sauf qu'après, ben, ils sont endettés. Mais Charbonvary, il ne sait pas. Mais Emma, elle s'en met plein les fouilles. Lol, la salope! À un moment, elle se fait têche par son chum et elle se réveille à Walpé dans un champ de blé. Du coup, elle est trop déprimée. Elle a le somme de la vie. Elle se suicide. Et du coup, Charbonvary est tellement gâché, il crève aussi. Il reste juste la gosse qui fait du tricot. Bref, c'est une putain de vie de merde qui commence. C'est l'amour est dans le pré au Club Normandie. C'est le sofa à quoi du terrain miné. C'est gigolo et patate à l'eau. C'est Madame Bovary. Garde à pêche. Micro ouvert. Micro ouvert. C'est ça qui est bien la radio. Hein. C'est super. Hein. Ouais. T'es très belle. Mais voilà, on est dans la maison de Cédric. Cédric le Hobbit, quoi. Vous trouvez pas ? Il a vraiment une maison, une petite maison comme ça, en plein milieu de la forêt. Magnifique. En plus, il a des très beaux yeux bleus. Hein? Et un beau chapeau. Oui. Il est tout nu aussi. Parce qu'on rigole, parce qu'en radio, on voit pas. Mais donc, oui. On peut dire qu'on se met, on se met à nu, on se met tout nu, quoi. Il est super grand, hyper sexy. Les filles. Hyper quoi? Sexy? Ah ouais, non mais tu vas rougir. Non, mais je cherche pas à me vendre. Moi, j'ai rien à vendre. J'ai juste des choses à expliquer et je veux surtout pas convaincre de mes choix de vie et me dire que c'est les bonnes solutions que je suis en train de mettre en œuvre. Voilà, tout le monde a le droit de se tromper, je me trompe certainement, quoi. Voilà. C'est pour ça que pour moi, il m'est difficile de convaincre et moi, mon seul désir, c'est essayer d'expliquer mon parcours de vie et d'expliquer ce que je fais actuellement, voilà, pour montrer aux gens que, voilà, d'autres possibles existent et voilà. Après, je ne dis pas, et je veux surtout pas que je devienne un exemple, une personne médiatique ou connue. Un gourou. Un gourou, voilà, je t'ai cherché le terme. Voilà, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage avec les gens, ou justement autour des principes de vie qu'il faut certainement réinventer. Moi, je me suis aperçu d'une chose quand moi j'ai changé complètement de vie, c'est que j'ai dû désapprendre pour mieux réapprendre. Voilà. Désapprendre, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, à travers ma vie professionnelle, à travers tout ça, je me suis aperçu qu'en fait ce qu'on t'apprenait, c'était pas forcément très bon déjà pour toi, pour les autres et pour la planète. Et surtout, c'est qu'on te privait de tes capacités à réfléchir de toi-même, quoi. Voilà. Et donc moi, quand j'ai quitté mon ancienne vie et que je suis arrivé ici. Que j'ai fait mes choix, que je me suis installé ici, voilà, j'ai dû réapprendre énormément de choses et oublier, notamment en agriculture, voilà, où j'avais appris énormément de techniques agricoles qui me semblent aujourd'hui complètement dépassées et surtout à contresens de ce qu'on peut souhaiter pour l'humanité, de bien bouffer et de se faire plaisir avec la bouffe, quoi. Voilà, alors qu'on peut revenir à des techniques très simples et voilà, et qu'en fait je ne réinvente rien du tout, parce que en agriculture, ce qui se passe aujourd'hui, sur mon terrain, c'est des techniques qui étaient employées au Moyen-Âge. Voilà, on a juste à un moment donné, je sais pas, révolution industrielle, capitalisme, enfin peu importe, je sais pas trop ce qui a œuvré dans ce sens-là, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont commencé à spolier la capacité à des paysans de produire par eux-mêmes et de réfléchir par eux-mêmes, et ce qui aujourd'hui se retrouve pieds et mains liés à des industriels de la semence, du produit chimique. Mais Cédric, voilà. Viens, on va se mettre là. Ouais. Prends la petite chaise si tu veux, moi je me mets à côté, comme ça on est... Parce qu'il y a... Tu vas un peu expliquer aussi où on est, et puis il y a des gens ici, il y a trois personnes là qui sont venues voir ta petite piole là. Donc l'idée c'était ça, c'est qu'il y a ici Cédric, sa petite baraque, c'est même pas une petite piole comme ça, toute mignonne. Je pense que j'ai déjà dit, et voilà, il fait visiter sa maison. Voilà, explique-nous un petit peu où on est ici. Alors là, vous êtes à la Payourte. Donc la Payourte est dénommée ainsi puisque donc c'est une structure en paille et qui a la forme d'une yourte. Voilà, d'où Payourte. C'est un nom de baptême, c'est pas technique, c'est juste un nom de baptême. Voilà, donc il se situe sur le lieu de vie alternatif, la Sorga. Et c'est la particularité de la Payourte, et donc est complètement excentrée du lieu de vie commun et des autres, et donc est carrément plantée dans la forêt, quoi. Voilà, donc là faut imaginer que la Payourte est entourée de hauts arbres et qu'on est au frais et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, mais voilà, en fait cette maison est totalement intégrée à son environnement, puisqu'elle elle arrive à se mouvoir en fonction des saisons et voilà, quoi. Voilà. Moi, ce que je propose, si quelqu'un a une question à poser, il lève la main et hop, je mets le micro sous. D'accord. Mais Cédric, ce qui est marrant, toi, c'est un peu ton parcours comme ça. Est-ce que tu peux le raconter assez brièvement, comme ça on rentre aussi dans le vif du sujet de la vie et tout ça, de comment le sens de la vie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi là récemment? T'es ici d'abord depuis combien de temps? Alors moi, je suis arrivé à la Sorga il y a 6 mois, donc en décembre 2014, maintenant, voilà, donc en plein hiver. Après avoir parcouru le Périgord noir à pied pendant 1 mois, avoir vécu dans des grottes, dans des cavernes, voilà. Bon, ça c'est mon trip, hein. Moi, je suis un trekker, comme on dit, hein. Les gens qui marchent énormément avec des sacs à dos en autonomie. Voilà, ça a toujours été mon truc. Je suis à l'aube de mes 40 ans. Voilà, et donc j'ai eu une vie avant qui était tout à fait conforme à la norme sociétale, c'est-à-dire un boulot, enfant, femme, voiture, télé, voilà, et gagner confortablement ma vie. Et du jour au lendemain, je me suis aperçu que mon boulot n'avait pas forcément ni de sens pour moi et pour les autres. Du jour au lendemain, mais non, arrête quoi, ça se passe pas comme ça. C'est... Non, ça se passe pas comme ça. Non, t'as raison, ça se passe pas comme ça. Ça, c'est déjà sur une réflexion sur ce que tu. Bon, pour que ça soit clair, j'étais conseiller politique et syndical dans un grand syndicat agricole en France, voilà. Et il y a un moment donné, vous êtes payé pour défendre une catégorie professionnelle. Voilà. Donc on vous donne de l'argent pour défendre une catégorie socio-professionnelle. Or moi je suis pas dans la configuration où, enfin à l'époque j'étais dans la configuration effectivement que je gagnais de l'argent en faisant ça, mais qu'à un moment donné tu n'as plus de sens parce que défendre quelque chose qui n'est même plus ta vision des choses, ça devient compliqué quoi. Mais qu'est-ce qui devient compliqué? Parce qu'il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, qui font un boulot, qui n'a pas de sens, qui fait fonctionner la grosse machine. Donc voilà, pourquoi toi, ça marchait pas, par exemple? Moi, ça marche pas parce que j'ai une maman qui m'a toujours dit « Sois honnête avec toi et avec les autres ». Voilà. Et un jour, j'arrive chez mes parents et voilà, j'exprime tout ça à ma mère en disant voilà, je suis un petit peu perdu. Voilà, on me demande de défendre des choses qui pour moi sont indéfendables. Voilà, on me demande de défendre. Moi, à l'époque, moi, je suis arrivé dans le syndicalisme agricole. On était en pleine crise de la vache folle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, l'ESB. Voilà. Bon, donc il y a. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un moment donné, on a été obligé de défendre des situations qui étaient beaucoup plus proches de la défense de l'industrie agroalimentaire et des producteurs d'aliments que du producteur. Alors que moi, je représentais quand même les producteurs de viande. Quand même. Voilà. Et c'est dégueulasse. Encore une preuve. Maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait, en fait, vraiment, quoi. Oui, on peut le dire ça comme ça, c'est dégueulasse, effectivement. C'est surtout très, très malhonnête. Et voilà, et donc bon, moi, à l'époque, moi, j'avais 23 ou 24 ans. Bon, voilà, enfin, ça m'était passé un petit peu au-dessus. Et puis, les dossiers passants, hein, donc après, il y a eu la vache folle, il y a eu la fièvre catarrhale sur les ovins, enfin, la dioxine, enfin bon, il y a eu tout un ensemble de dossiers comme ça. Et donc à un moment donné, je me dis, mais attends, je défends des paysans ou je défends une industrie agroalimentaire et voilà, où est ma place quoi. Et donc moi j'ai posé clairement la question à mon président à l'époque quoi. Et en gros il m'a dit, tu fermes ta gueule, t'es payé, voilà, donc tu nous défends quoi. Et ça m'a pas plu du tout, donc j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit, mais voilà, souviens-tu de ce que je t'ai dit, reste honnête avec toi et avec les autres. Et donc là, ça m'a fait lâcher prise, hein, quand on parle de lâcher prise, à un moment donné, il faut aussi se dégager de ses émotions pour commencer à se sentir mieux dans ses baskets, quoi. Et donc du coup, donc j'ai lâché prise donc avec ce syndicat. Et donc je me suis retrouvé dans d'autres syndicats, voilà, un peu plus sensé avec mes choix et surtout avec mes connaissances techniques en agriculture, voilà. Mais ça n'empêche que je voyais quand même qu'on menait l'agriculture droit dans un fossé ou droit dans un mur, quoi. Donc j'ai tout lâché. Voilà, j'ai monté ma boîte de formation et de conseil aux associations que j'ai planté volontairement. Et pourquoi ? Pareil, je me suis retrouvé dans des situations un petit peu complexes où les associations n'ont pas forcément les moyens de payer des consultants comme moi. Et donc on passe par un système de subvention d'État, ça s'appelle je ne sais plus comment, mais voilà, il y a un dispositif qui permet aux associations de démarger sur des crédits pour se payer des consultants, pour les aider juridiquement, pour les aider à monter des projets, à chercher du pognon, à recruter des bénévoles, à manifester, enfin bon, voilà. Et donc moi j'étais consultant et donc je devais rendre des comptes à l'État et donc je devais écrire des rapports. En fait, ce que je devais exprimer à mes clients devait aller dans le sens de l'État. Voilà, ça aussi ça faut le savoir, c'est qu'il y a un moment donné et c'est là que j'ai pris la dimension de ce qu'on appelle l'indépendance financière, c'est-à-dire que je me suis aperçu que les associations étaient dépendantes financièrement de l'État et donc pareil, l'État leur disait moi je paye, donc vous allez dans mon sens ou je vous donne plus rien, quoi. Voilà. Et moi, combien de fois les représentants de l'État me sont tombés sur le paletot en disant non mais vos rapports ils sont bien mais voilà, faut pas publier ça, quoi. Voilà, ça va pas être possible. Voilà, donc à un moment donné, des petites pressions financières. Bon, on vous paye pas tout de suite, on va attendre. Voilà, moi têtu comme une mule, je dis non, de toute manière, moi ce que j'ai écrit, moi je suis indépendant, hein, donc voilà, vous me demandez une mission, je la remplis. Là je dis que ça va pas, effectivement ça va pas, et vous me dites qu'il faut dire que ça va, donc non, ça devient compliqué, quoi. Voilà, donc j'ai planté la boîte. Voilà, j'ai planté la boîte. Et avec des dettes, faut le dire, volontairement ou involontairement, mais bon, voilà, j'ai planté la boîte avec des dettes. Et là, j'ai rencontré une personne, voilà, c'est ma fée, c'est toujours ma fée, une femme, voilà, qui est rentrée dans ma vie à un moment donné, voilà, donc on a échangé énormément, et elle était un petit peu en changement de vie aussi, un peu décroissante, un peu écolo, un peu catho, un peu voilà, un peu tout, quoi. Et c'est vrai que du coup elle m'a révélé à moi-même, et surtout elle m'a éveillé, mais surtout elle m'a sublimé, voilà, dans le sens où voilà, tout ce que tu penses et tout ce qui t'est arrivé, voilà, il fallait que tu le vives, voilà, tu t'aperçois que c'est plus du tout le sens qu'il faut prendre. Et donc là j'ai commencé à me brancard, en écologie, défense de la planète, tout ça, de par mon métier j'avais déjà quand même appris énormément en travaillant avec des associations de défense de l'environnement, de l'habitat léger, de toutes ces alternatives, là. Voilà, donc je connaissais déjà un petit peu techniquement le sujet, quoi, mais voilà, mais philosophiquement ça mène à quoi, quoi. Donc j'ai beaucoup potassé, beaucoup discuté avec avec ma fée, voilà, et moi je suis quelqu'un qui intériorise quand même pas mal de choses, et un jour je vais voir ma fée, je lui dis écoute, il y a un jour je vais partir. Voilà, je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas comment, voilà, mais je vais partir, hein, voilà, j'ai besoin de retrouver le sens réel des choses, quoi. Voilà. Et donc j'ai fait flipper tout le monde, je suis parti à pied pendant 15 jours, pas de portable, pas de fric, enfin voilà, quoi. Rien du tout, quoi. Donc choix délibéré, justement pour savoir dans quelle mesure j'étais dépendant du système. Voilà, ou dépendant des autres, ou dépendant de l'argent, ou dépendant du supermarché, ou dépendant de tout ça, quoi. Et pendant 4 jours, je me suis aperçu que je n'étais pas du tout dépendant de tout ça. Que j'avais réussi à me démerder tout seul, que j'avais rencontré des gens formidables, qui m'avaient aidé à un moment donné, que j'avais besoin, voilà. Et tout à l'heure, on parlait de désir. Il y a beaucoup de choses où j'ai eu besoin, j'ai eu faim, j'ai eu froid, voilà. Mais je désirais pas je me disais, merde, faut absolument que je trouve un moyen de me couvrir ou de me protéger de la pluie ou autre. À ce moment-là, il y avait une personne ou quelque chose qui arrivait pour subvenir à mon besoin immédiat, quoi. Voilà. Mon besoin immédiat de me chauffer ou de bouffer, quoi. Voilà. Là, il y a pas mal de choses qui gambergent dans votre tête, quoi. Voilà. Pareil, il y a des gens que vous croisez, vous dites, mais attends, qui ou quoi a mis cette personne-là sur votre chemin, vous a pris en bagnole, voilà, c'est quand même assez curieux. Voilà. Et donc, en revenant, j'ai écrit beaucoup tous les jours, j'écrivais ce que je voyais, voilà. Et j'ai rétabli, mon ordre des choses. Voilà, je dis aux gens, j'ai pas rétabli l'ordre des choses, mais j'ai rétabli mon ordre des choses. Et moi, ma priorité, c'était que, merde, t'as une autorité intérieure, tu es capable de te démerder tout seul, tu n'as pas besoin du système, t'as pas besoin que quelqu'un d'autre te dise ou te protège. Voilà, c'est ton propre initiative de ta propre autorité. Et donc je me suis dit, de quoi t'as peur en fait, voilà, pourquoi tu restes dans le système, c'est que t'as peur de quelque chose, quoi. Voilà. Et là j'ai tchatché sur internet avec une Canadienne qui elle est vraiment tombée dans les extrêmes jusqu'à brûler sa carte d'identité, mais bon, ça c'est encore autre chose, mais bon, pourquoi pas, voilà, on peut en discuter, je suis plutôt de son avis, mais bon, fonctionnellement c'est un peu compliqué quand même. Mais donc j'ai tchatché avec elle, il me semble qu'elle écrit des bouquins, voilà, j'ai oublié son nom. Et elle me dit, mais effectivement, si tu restes dans la société, c'est que t'as des peurs. Voilà. Et elle me dit, aujourd'hui, le système, il est fait pour entretenir des peurs, pour que, justement, que tu restes dans le système et que tu l'alimentes, quoi. Voilà, que tu l'alimentes avec ton argent, avec ton travail, tout ça. Et c'est là que j'ai appris la notion d'aliénation, voilà, qui m'a amené jusqu'à Pierre Rabhi, parce que Pierre Rabhi parle beaucoup d'alignation du travail, tout ça, donc j'ai assisté un peu à ses conférences, j'ai lu ses bouquins, machin truc, et j'ai dit, ah, putain, mais c'est pas con ce qu'il raconte, qu'effectivement, on est quand même devenu dans un monde d'aliénés, où on est devenu esclave d'un système, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a peur de l'exclusion. Voilà. On a peur de l'exclusion, pour la simple et bonne raison, c'est que si je vis pas comme tout le monde, on va m'exclure. Et c'est ce qui se passe actuellement, aujourd'hui. Et le thème de la journée, quand même, où Alem est venu, quand même, c'est quand même l'habitat léger et tout ça, voilà, c'est quand même, on vit pas comme les autres, quoi. Voilà. Et quelque part, on est persécuté. Voilà. C'est même pas quelque part, c'est sûr, on est persécuté. Mais donc voilà. Donc la première peur, c'est l'exclusion. C'est se dire si j'ai peur de sortir du système, c'est que j'ai peur d'être exclu. C'est-à-dire d'être jugé par les autres et me dire toi t'es de la merde, tu n'alimentes plus le système, tu n'as qu'à crever, quoi. Voilà. Donc déjà première chose, c'est de sortir de cette peur là, quoi. Voilà. Donc j'ai décidé de ne plus travailler. Ça va les amis là, ça va, tu suis? Ouais. Tu peux. Enfin, on est libre, hein, oui. J'ai bientôt terminé. Non, mais ce serait rigolo d'avoir leur point de vue parce que voilà, ce serait marrant d'entendre. Tiens, mais ami, tu racontes n'importe quoi. Travailler, parce que c'est travailler par plaisir, parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, ce n'est plus un travail. Alors je me suis dit non, travailler pour quelqu'un ou pour un système qui n'est plus le mien, aucun intérêt. Voilà. Ça n'empêche qu'il faut quand même que je produise quelque chose pour rester en vie. Alors, c'est pas forcément de l'argent, mais il faut quand même que je produise quelque chose. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ton besoin fondamental? C'est quoi tes besoins fondamentaux? Il te faut quoi? Il te faut, enfin, corporellement, il te faut à bouffer. Il te faut de la flotte. Il te faut un peu de sécurité, un peu de minimum d'hygiène, un minimum de soins aussi, quand t'es malade, quand tu te blesses, machin truc, voilà. Et là, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais produire ça par moi-même sans argent. Et des plaisirs? Pardon? Et des plaisirs? Est-ce que t'as des passions, des plaisirs, en plus que t'as ouais. Est-ce que ça, ouais. C'est peut-être oui. Ça, en fait. Ouais, la notion de plaisir, j'y suis arrivé, j'y ai réfléchi vraiment en tout dernier, quoi. Voilà. Moi, mon trip, c'était de me sortir d'un système qui m'aliénait complètement et dont j'étais devenu esclave. Voilà. Et je dis, non, allez vous faire foutre, j'ai pas envie d'entretenir un système qui détruit à la fois l'homme et la planète, quoi. Voilà. Détruit l'homme parce que socialement on est tous devenus des esclaves au service de très peu de personnes dans le monde de la planète parce qu'une surconsommation à outrance complètement déraisonnée comme elle existe aujourd'hui, c'est faramineux quand même le mal qu'on est en train de faire à notre terre, notre mère nourricière, c'est-à-dire celle qui continuera à nous nourrir. Voilà, c'est quand même grâce à elle qu'on parle ensemble ce soir là, parce qu'on a bien bouffé tout à l'heure et qu'on a eu à boire, et voilà, c'est pas votre argent qui vous l'a fait, hein. La flotte, nous, on la paye pas ici, c'est une source. Voilà. Et le débat sur l'eau, moi, j'ai une question bien particulière sur l'eau, c'est que l'eau, c'est un bien commun. Voilà. Et je commence à être insupporté par la notion de développement durable. La notion de développement durable qui dit, voilà, faut protéger les ressources en eau, machin truc. Ouais, d'accord. C'est évident, parce que l'eau, c'est la vie. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau n'appartient pas à toi ou à moi, elle appartient à des sociétés d'exploitation. Voilà. Et quand j'entends parler de développement durable en disant faut préserver les gestions, les ressources en eau, en fait, c'est surtout préserver les revenus financiers de l'eau. Voilà. Pour moi, c'est exactement ça. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Eric Orsenard qui a beaucoup travaillé sur cette thématique de l'eau, qui a écrit un bouquin que je vous conseille d'ailleurs, qui a visité énormément d'endroits dans le monde où l'eau commençait à poser un problème. Et il fait exactement ce constat-là, quoi. Voilà. Il dit, la priorité des priorités des politiques quand ils parlent de gestion de l'eau, c'est de préserver les revenus des exploitants de l'eau, quoi. Voilà, donc là je suis en train de divaguer, mais voilà, donc en fait, oui, voilà, donc en fait, revenir à ces besoins fondamentaux et de se dire, mais ça t'appartient, voilà, ça nous appartient, ce que je viens de vous expliquer sur l'eau, ça vaut pour les graines aussi, la graine c'est un bien universel, ça appartient à tout le monde, pourquoi on devrait avoir des brevets, pourquoi on devrait payer pour avoir le droit d'utiliser une semence, alors que c'est la terre qui te l'offre à longueur de journée, voilà, donc une fois que tu commences à réfléchir un petit peu à tout ça, bah, tu dis, mais attends, effectivement, t'es capable de bouffer par toi-même, quoi. Voilà, t'es... Bon, moi, j'ai la chance, effectivement. Tout le monde, ouais, mais bon, toi, t'as la chance, c'est une formation agricole. Effectivement, pour moi, le processus technique, il était beaucoup plus rapide, parce que j'ai pu me mettre au travail à la terre beaucoup plus rapidement, quoi. Voilà, c'est évident. Pardon ? Oui, mais quoi que ça, c'est, je pense que il y a des gens qui n'ont pas besoin de formation, en fait. Hein. À partir du moment où vraiment tu veux, t'es dans cette dynamique-là, je veux dire, comme les autoconstructeurs, à partir du moment où ils veulent, ils se renseignent, ils participent, et puis après, ça peut se faire rapidement aussi, il me semble. Quand tu vois les baronnets, là, de la maison autonome, là, puis ils étaient, il me semble qu'ils étaient instits tous les deux, tu vois, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ils ont décidé, tu vois, pareil, de changer leur vie, et puis à un moment donné, de trouver qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas normaux. Et apparemment, donc ils sont lancés là-dedans, et puis il te dit, à partir du moment où tu veux, ben, tu rencontres les gens, et tu profites tu bénéficies, quoi, de ça, quoi, de la formation des gens, de la connaissance des gens, et puis il y a un échange qui se fait. Mais ça vous fait quoi, ce que dit là, jusqu'à maintenant, Cédric, parce que vous travaillez, j'imagine, vous n'êtes... Hein? Vous n'êtes pas comme Cédric? Rassurez-moi. Ben après, moi, je, comme Cédric, moi, je suis, j'ai la chance de faire aussi ce que j'aime comme travail. Mais ce travail ne me permettrait pas, à mon avis, d'avoir une activité qui puisse me permettre de m'autosuffire. Moi, je suis clown. Je suis clown et plasticienne. Donc, je suis plus dans le plaisir constant. Le lâcher prise. Et du coup, ce travail de la terre, je vais le pratiquer, mais je pensais sectoriser, moi je suis plus dans les plantes sauvages et les plantes médicinales, on va dire. Mais, oui, encore, on disait, le jardinage c'est facile, on a eu la preuve, on sait parler un peu de culture, on peut se former, on pourra toujours. Mais, je veux dire, je ferai pas que ça. Qu'est-ce que toi tu fais d'autre que ça? Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, effectivement, le processus technique, il était beaucoup plus rapide parce que je connaissais quand même les techniques agricoles, l'élevage, je savais planter une graine, comment la bichonner pour qu'elle prenne, tout ça. Voilà. Et effectivement, j'ai rencontré des personnes comme toi qui m'ont dit, moi, je suis incapable de produire ma bouffe, machin truc. J'ai dit, oui, tiens, ça va, oui, mais oui, c'est vrai. Là, je me dis, Cédric, tu penses un peu trop pour ta gueule, et c'est vrai que les autres qui vont, qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas surtout, c'est-à-dire moi j'ai la chance d'avoir un terrain, mais là, c'est vrai que l'accès au foncier pour produire son alimentation devient un facteur très très limitant. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que tu peux faire alors? Moi je me suis tourné donc vers la permaculture. Je me suis aperçu que c'était toujours grâce à ma fée qui m'a appris la permaculture, qui m'a initié à ça. Et donc, à des techniques très très simples. Voilà, je me suis dit, mais merde, il est possible sur des petites surfaces de nourrir un certain nombre de personnes. Et c'est ça que je veux faire. Voilà. Je veux prouver par A plus B qu'il est possible de nourrir. C'est pas du tout ce que je défendais il y a 5 ans avant quand même. Ça faut le savoir. 5 ans avant, je disais non, il faut des grandes surfaces, machin truc. Et en découvrant ce système-là, c'est pour ça que tout à l'heure je disais hors micro, il me semble, que j'ai dû désapprendre pour mieux réapprendre. C'est-à-dire que toute ma formation agricole, je l'ai brûlé, quoi. Tu laisses tomber, tu oublies tout ce que tu as appris et tu réapprends avec d'autres personnes. Et donc, produire pour les autres, mais de façon tout aussi saine et diversifiée, et en y appliquant les principes de dire que l'eau, ça appartient à tout le monde, que la graine, ça appartient à tout le monde, c'est ça qui me fait avancer aujourd'hui. Et donc, j'en reviens à mon histoire de peur, c'est que ma deuxième peur que j'ai eue, tu vas aller en prison, quoi. À faire des choses illégales, parce que c'est complètement quelque part illégal de faire certaines choses dans un jardin, voilà, et notamment de produire des semences qui sont pas cataloguées, de ne pas identifier ses chèvres, enfin bon, voilà, plein de choses qui prouvent ma résistance que j'ai actuellement contre, je résiste au système. Maintenant je vis de façon illégale, effectivement ma maison elle est magnifique et, voilà. Sauf que voilà, sauf qu'elle n'est pas légale au sens sociétal du terme, enfin au sens juridique du terme, voilà. Moi je dis, ouais, c'est vrai que sur ce que tu dis là, c'est hallucinant quand même, quoi, tu vois, de pas pouvoir ça, je veux dire, c'est la vie, quoi, la graine, se loger, je veux dire, l'eau, l'histoire de l'eau aussi, quoi, mais c'est vrai que on marche sur la tête complètement, et puis, mais ouais, je sais pas, ouais, je trouve ça hallucinant, tu vois. Mais et puis effectivement, ouais, le fait qu'il y ait des gens, moi pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'était un peu pour ça aussi, pour voir un peu l'info et puis connecter avec le lieu, parce que je connaissais pas. Donc ouais, voilà, ouais, moi ça fait plaisir d'entendre et puis de voir qu'il y a des choses qui sont possibles, quoi, en fait. Hein. Et puis on le voit de toute façon, même tout le monde peut le voir, je veux dire, ne serait-ce que sur son ordinateur, tu tapes permaculture et puis tu vois que ça dégueule d'abondance, quoi. Je veux dire, t'as des systèmes qui sont, tu vois, moi-même qui ai une formation agricole, c'est des trucs, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Moi j'ai vu des petits reportages, notamment en Belgique, là, je sais plus comment ça s'appelle, hein. Un couple là, non, là, je sais plus comment, le jardin de vie, des solidarités, ou je sais plus ce que c'est, où tu rentres, c'était à 2000 mètres carrés, et puis ça dégueule d'abondance de partout, tu te dis, mais comment c'est possible, tu vois, c'est pas en rondognon, c'est pas, tu vois, et puis, avec sans travail de sol, sans intrant, sans, je veux dire, tu te dis, mais attends, il y a... Les fraternités ouvrières. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça, ouais, avec deux, ouais, je sais pas, avec une... Je veux dire, je sais pas. Ouais. Enfin, ouais, moi, ça m'a de voir ça, ça m'a bouleversé en fait. Et effectivement, et ça fait longtemps que je me dis, ouais, moi aussi, j'aimerais m'orienter vers quelque chose comme ça. Et ce que tu soulevais tout à l'heure, effectivement, peut-être des peurs, parce qu'il y a que ça qui nous bloque. En fait, je veux dire, pourquoi on n'avance pas? Parce qu'on flippe, quoi, hein, sûrement. Hein. Après, à chacun de voir l'intérieur, hein, qu'est-ce qu'il fait vraiment flipper, ou qu'est-ce qu'il a pas envie de lâcher pour par rapport à tout ça, quoi. Et non, voilà, quoi, c'est bon. Après, c'est à chacun, et puis c'est une volonté aussi, je veux dire, t'as des gens qui veulent pas s'orienter sur ça, et mais c'est leur choix, quoi. Mais même, tant bien même que t'as envie de t'orienter par rapport à ça, et comme tu disais tout à l'heure, ouais, t'as quand même des... On est verrouillé, quoi, de l'intérieur, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, verrouiller de l'intérieur. Moi, je me suis aperçu d'un truc en rencontrant comment qu'ils s'appellent, les colporteurs de décroissance. Enfin, tous les mouvements plus ou moins politiques autour de la décroissance, hein, ce qu'on appelle les décroissances, c'est-à-dire qui ne croient plus à la croissance, mais qu'il faut revenir un petit peu sur des notions économiques un peu plus tournées vers l'humain et un peu plus vers la planète, voilà, en disant qu'on est arrivé au bout d'un système. Bref. Donc en rencontrant ces gens-là, ils m'ont ouvert aussi un esprit sur la question de ça, du verrouillage intellectuel. Et je suis tombé tombé sur un économiste qui défend les décroissants. Il s'appelle Latouche, vous le connaissez. Voilà. Serge Latouche, voilà. Serge. Je vous invite franchement à aller sur internet c'est un S docteur en économie, enfin un truc monstrueux, voilà, mais il est d'une simplicité dans son verbe que tu comprends tout de suite ce qu'il veut dire, quoi. Et ce mec là il m'a appris une chose, il me dit, en conférence, hein, je le connais pas personnellement, mais en conférence, je l'ai pris pour moi, il m'a dit de toute manière le travail est tellement aliénant, le système est tellement aliénant, il est tellement fait de manière à ce que le soir vous rentriez à la maison, vous passiez, vous foutiez le cul devant TF1 et qu'on vous vide la conscience, quoi. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que t'as? En fait, tu regardes TF1. T'as le droit. Ça fait deux ans et demi, j'ai arrêté le journal de 20h. Ouais. Ah ouais, parce que je peux te dire deux ans et demi, parce que quand j'ai eu une petite fille et quand tu vois, je me suis retrouvée à la maison avec ma petite fille en train d'allaiter et je me suis dit mais qu'est-ce que tu regardes? J'ai pris conscience de ça. Et en fait, c'est vrai ce que tu dis. Ça nous, mais quand je vois l'effet que ça a sur ma propre famille, mais tous les gens qui nous entourent, t'as vu dans quel état ils sont? Ils ont peur. Ils sont verrouillés. On a peur. C'est eux qui maintiennent la peur. Non, mais il n'y a même pas besoin de dire ils ont peur, on a peur. C'est en nous, c'est... Non, moi, je la ressens en tant que... C'est vrai que même en ayant arrêté, je ressens quand même leur peur. C'est vrai. Et je pense que tout est fait pour entretenir ces peurs. Voilà. Les attentats, le terrorisme, tout ça. Voilà. Je suis pas comme certains qui disent qu'on est manipulé. Non, je dirais pas ça. Mais pourquoi pas? Oui. Bon, on peut en débattre. J'ai pas réfléchi sur cette question-là et donc je ne donnerai pas d'avis parce que j'ai pas d'avis. Voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que effectivement, on est quand même manipulé. Enfin, quelque part manipulé. Notamment, enfin surtout, je parle pas des politiques, c'est trop pernicieux comme système pour y être resté pendant 15 ans pour connaître un peu les tenants et les aboutissants, tout ça. Donc pour l'instant j'ai pas de position officielle et claire là-dessus, mais par rapport au marketing, par rapport à la consommation, il est effectif qu'on est manipulé. On nous fait désirer des choses, on nous fait acheter des choses qui sont complètement inutiles. Voilà, moi la première chose que j'ai faite quand je suis revenu de mon périple de 15 jours à marcher, machin truc, j'ai vidé ma maison, j'ai brûlé énormément de choses, j'ai donné énormément de choses. Voilà, le gris, par exemple, le micro-ondes, la télé. Qu'est-ce que tu vas devenir? Mais enfin, quoi. Et tu n'as pas parlé, t'as rien à dire sur tout ce que t'entends, ami. Non, t'es pas obligé, hein, mais c'est toujours chouette qu'il y ait... T'as quelque chose à dire? Non, mais rien de super intéressant. Juste à dire que nous aussi, on va vider la maison. Et c'est hyper, c'est super chouette. Ça m'emballe, rien que d'en parler. Donc, voilà. Il en peut plus. Il a envie de rentrer rien que pour ça, même dans la nuit et tout. On va tout faire, on va pas dormir. Ouais. Voilà. Et donc là, et ben voilà, tout est question de peur. Et je me suis donc en rencontrant toutes ces personnes-là, en m'informant, parce qu'aujourd'hui le système d'information il t'informe pas. Si toi tu vas pas chercher l'information, ton information elle est complètement erronée. Voilà. Et donc ce que disait Latouche, pour finir là-dessus quand même, il disait voilà, on est tellement aliéné par le boulot, le rythme de travail, tout ça, que le système donc a verrouillé les êtres que nous sommes, voilà, et toute la créativité qu'on peut mettre en œuvre. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus le temps d'être créatif parce qu'on est pris dans le boulot, on est pris oh merde, faut que j'aille au supermarché parce que j'ai pas acheté le dernier machin, voilà. Voilà, donc du coup moi ce que je prône aujourd'hui, c'est un peu comme les décroissants, c'est ce que j'appelle une économie libératrice. Voilà. Et moi, j'essaye de rentrer dans ce système-là où on rentre dans un système économique. Effectivement, il faut quand même des échanges de biens et de services. Voilà, mais il faut qu'elle reste libératrice, c'est-à-dire que ça soit créatif. Et donc, je suis devenu alternatif. Voilà, c'est-à-dire alternatif dans le sens où je pense différemment des autres. Voilà. Parce qu'on se trompe, on se trompe de voie, on se trompe de sens, socialement, économiquement, écologiquement, voilà. Et donc là, aujourd'hui, j'ai vaincu ma peur de la prison, comme ça, quoi, en disant, mais attends, ce que tu fais, putain, merde, ça a vraiment du sens, quoi. Voilà, ça a du sens pour toi, pour les autres et la planète. Et si je commence à avoir des gens comme vous à papoter pendant des heures, machin truc, c'est que je me dis, c'est quelque part, c'est pas crétin ce que tu penses, quand même, quoi. Alors moi, je suis comme Diderot, hein. Diderot lui disait à un moment donné, hein, il disait je trouverais absurde que tout le monde pense comme moi. Voilà. Par contre, si je suis une minorité, ça veut dire que je suis dans le bon sens, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ce qu'il voulait dire par là, c'est que lui, il croit pas du tout à l'unité. Lui, il croit justement à la désunité. C'est-à-dire, plus on sera de personnes à penser différemment, plus à un moment donné, les consciences s'élèveront tellement haut que tout va repartir dans l'ordre comme il faut, quoi. Voilà. Et moi, vous ne me verrez jamais sur une manif, vous ne me verrez jamais militer, vous ne me verrez jamais, désolé pour Alem, mais voilà, vous ne me verrez jamais dans une manifestation, voilà, parce que je suis pas du tout dans la conviction, je fais pour moi, un peu comme Pierre Rabhi dit, c'est le feu d'artifice, le but qu'on est en train de louper. Mais est-ce vraiment important ? Non, j'allais te dire, pourquoi ce feu d'artifice ? Pourquoi ce gaspillage ? Ah non, mais moi, je comprends pas. En plus, ça fait peur aux enfants. Mais il s'agit pas non plus de devenir... sinon, c'est pas marrant la vie non plus, quoi. Parce que moi, je réagis... tu dis alternative, mais j'ai pas la réponse. Mais toi, alternative, ça veut dire quelqu'un qui pense autrement, c'est ça ? Ouais. Qui pense autrement, mais qui pense autrement en se posant continuellement trois questions. Ah. Ouais. Et moi, je me pose continuellement trois questions quand je vais entreprendre quelque chose. C'est est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est bon pour les autres ? Et est-ce que c'est bon pour la planète ? Voilà. Et si j'ai du mal à répondre à l'une de ces trois questions ou que ça commence à faire débat dans ma tête ou débat avec les autres, hein, voilà, c'est pas qu'une démarche personnelle. L'idée, c'est quand même de partager avec les autres. Si on a du mal, on laisse tomber, quoi. C'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, quoi. Voilà. Par contre, si on s'aperçoit que immédiatement, oui, il va avoir du sens, ça va produire quelque chose pour moi, ça va produire quelque chose pour les autres, et ça va produire quelque chose pour la planète. Quand je dis produire, c'est apporter de la valeur ajoutée, quoi. Voilà. C'est-à-dire stimuler les systèmes, notamment écologiques, stimuler les systèmes sociaux et te stimuler toi, ton imagination, ton épanouissement, tout ça. Et c'est là que je trouve mon plaisir. Voilà. C'est là-dedans que je trouve mon plaisir. À me torturer un peu le système. Et moi, mon plaisir quotidien, c'est de trouver une alternative à n'importe quoi, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai même pas d'exemple qui vienne en tête, c'est tellement venu banal pour moi, mais non, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais c'est toujours bien pour comprendre. Je sais pas, moi, c'est bien de visualiser le lait de chèvre, peut-être. Je sais pas. Non, là, honnêtement, là, vous me prenez en porte-à-faux. Je ne vois pas. Moi, mon jeu, c'est si je peux faire autrement que de consommer, je le fais, quoi. Voilà. Alors, ça passe par de la récupération, ça passe par du recyclage, ça passe par le travail des matériaux nobles, comme le bois, la pierre, voilà. Et les gens, quand je leur dis je ne travaille plus, si, je travaille. Voilà. Alors après, c'est où tu mets la définition du travail. Voilà. T'as deux travails. T'as le travail pour vivre. Voilà. Moi, je me considère un petit peu comme un trappeur dans le Grand Nord, quoi. Lui, s'il travaille pas tous les jours, il est mort, quoi, tu vois. Si tous les jours, il va pas à la chasse, si tous les jours, il va pas casser de la glace pour boire, voilà, il est mort, quoi. Mais il travaille. Soit intellectuellement, soit physiquement, quoi. Voilà. Mais je ne veux surtout plus rentrer dans un système d'esclavage. Voilà. Et si demain j'ai une culture dans mon jardin qui me fait rentrer dans un système d'esclavage parce que ça me demande énormément d'énergie à produire en termes de temps, j'arrêterai de la produire, quoi. Voilà, parce que ça sera pas bon pour moi, ni pour la planète, ni pour les autres. Je prends l'exemple de la banane. Faut arrêter de vouloir faire pousser de la banane en Dordogne, quoi. Il y a des gens qui veulent absolument faire pousser de la banane en Dordogne. C'est vrai. Voilà. Mais à quel coût ? C'est sérieux ? Mais oui. Ouais, c'est plus ou moins sérieux, mais bon. Oui. Voilà. C'est tellement bon. Non, c'est vrai. Enfin, je comprends. Ouais. Je comprends qu'on dise il faut arrêter de faire pousser de la banane en Dordogne. Mais en même temps, on n'a pas envie d'acheter les bananes qui viennent. Elles viennent d'où, souvent ? Elles viennent d'où? Eh ben, on n'a pas envie d'acheter les bananes qui viennent d'Afrique parce que ça fait trop, quoi, pour une banane, lui faire prendre l'avion et tout. Enfin, je trouve ça con, quoi. Donc, on a envie de faire du local, mais en même temps, c'est tellement bon, la banane, qu'on aura envie qu'elle pousse chez nous, quoi. Et donc, moi, je me mets un peu d'un côté et de l'autre, quoi. J'adore ça, la banane. Et donc, j'aurais envie qu'elle pousse ici, parce qu'en même temps, j'allais dire un gros mot, mais ça me fait chier d'acheter des bananes qui viennent d'Afrique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, est-ce que je devrais me priver de manger de la banane, en fait? C'est un petit plaisir simple, hein. Enfin, c'est mieux, je pense que c'est mieux de prendre du plaisir à manger une banane que s'acheter une super caisse qui coûte je sais pas combien. Donc c'est un petit plaisir simple. Et est-ce que je dois me priver de ça? Et ouais. Donc qui trouvera une solution à ça? Je sais pas. L'alternative. Vas-y, parce que toi, je pense qu'il peut y avoir après des alternatives au niveau pour cultiver. Je sais pas. Pourquoi c'est une aberration de faire la banane ici? En quoi ça? Parce que après, il y a peut-être moyen de corriger l'aberration cette aberration-là, en fait. Tu vois, de trouver une autre technique pour la produire. Je sais pas s'il faut chauffer beaucoup. Peut-être ça peut être avec le soleil dans des. Je sais pas comment, mais. Il me semble qu'en réfléchissant, l'homme il peut être suffisamment créatif pour qu'on fasse de la banane en Dordogne, mais en comment dire de façon tout à fait raisonnable, quoi, tu vois. Alors là, excuse-moi, hein, j'étais peut-être un peu violent dans ma réponse, mais là t'es le parfait exemple de la bêtise humaine, excuse-moi. quand je dis bêtise humaine, c'est la l'obstination humaine. L'homme est obstiné, il veut absolument tout contrôler. Scientifiquement, je vais pas m'étaler sur la culture de la banane, c'est pas le moment. Mais cela n'empêche que si la terre a fait pousser des bananes en Guadeloupe et pas en Dordogne à l'origine, c'est qu'il y a forcément un truc, quoi. Voilà. Alors pourquoi l'homme voudrait s'obstiner à vouloir faire pousser une banane où la nature par elle-même, notre mère nourricière n'a jamais fait pousser de banane en Dordogne d'elle-même. Voilà. Moi c'est là-dessus, moi sur l'agriculture. Mais l'homme est curieux, donc l'homme est curieux et c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, mais je pense que ça reste une bonne chose et l'homme. A envie de sortir de chez lui, de découvrir d'autres choses, d'autres goûts, d'autres choses, quoi. Et je pense que c'est comme ça que fonctionne le monde, que les gens, ils ont pas envie de rester chez eux, ils ont envie de voir autre chose, et c'est pour ça que, voilà, quoi. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai envie aussi de donner mon avis. Toi aussi, tu peux le donner, mais c'est ça qui est dommage, je trouve. Attends. T'es réaliste, hein. Enfin, je croyais que tu faisais une blague. De quoi? La banane en Dordogne. Je croyais que c'était du faux, quoi. Ok. Mais c'est ça qui est dommage, en fait, je trouve, quand on parle un peu dans les milieux alternatifs, parce qu'il y a des pensées comme ça qui sont très tranchées. Voilà, comme moi, j'ai fait un choix de vivre autrement, je suis capable de le faire. Bon, ben, je souhaite. Franchement, c'est hyper. Moi, je comprends parfaitement cette manière de voir, c'est-à-dire que l'être humain, il est créatif. À la base, la banane, elle vient d'Afrique, c'est vrai, mais moi, je me positionne vraiment comme ça, je suis au milieu, c'est-à-dire que on peut plus reculer en arrière. Et j'ai pas spécialement envie de me projeter super loin avec la vie qu'on nous propose aujourd'hui et demain. Je suis au milieu, c'est-à-dire que la banane, c'est sûr, on l'aime bien. Si demain elle ne doit plus arriver, bon bah elle arrivera plus, on se souviendra de la banane. S'il y a des énergumènes qui ont envie de tenter d'essayer de la faire pousser ici, mais pourquoi pas? Enfin, c'est pas ça le problème. Parce qu'alors ça nous fait nous bagarrer sur des polémiques à la 6, 4, 2, et combien de fois j'ai pas entendu « Ah mais non, t'es vraiment un imbécile de penser comme ça ». C'est pas ça, quoi, c'est pas ça qu'il faut... j'ai pas encore la solution, mais je trouve que c'est pas ça qu'il faut. Il faut pas nous diviser sur des avis comme ça. Ah, t'es pour la banane? Moi, je suis pas pour la banane. Enfin, voilà. Il y a autre chose à inventer. De toute façon, l'humain, il est créatif, c'est clair. Mais on peut plus retourner à l'âge. Moi, je me positionne au milieu. Par exemple, je prends souvent cette idée. La machine à laver. OK. C'est un outil moderne. C'est là, normalement, traditionnellement, originellement, c'est la gonzesse qui doit se taper 3 jours sur la semaine de nettoyage de tout. Ben, moi, je suis super contente que la machine à laver, elle existe pour que je puisse m'occuper d'autre chose. Voilà. Je fais avec l'ère moderne, tout en aimant les choses toutes simples de la vie, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est très important ce que tu dis. Moi, effectivement, moi, je suis pas contre les bouffeurs de bananes. C'est pas ça. Non. Mais tu te rends compte de ce que tu as renvoyé quand même. C'est quand même. On souhaite un autre monde. On a envie d'autre chose. Et parce que. J'ai pas mal pris. Hein, non, mais heureusement. Heureusement. C'était plus ou moins délibéré, justement. Moi, j'aime bien faire réagir. Et vous avez réagi avec bon sens. Moi effectivement, moi je vous rejoins sur le fait que voilà l'homme il est créatif et donc j'suis entièrement d'accord sur le fait que l'homme est créatif et voilà. Par contre là tout est question de raisonnabilité. Voilà. Je suis pas contre la machine à laver, je suis pas contre la banane en Dordogne, je suis pas contre je suis pas contre le progrès. Voilà, du moment que le progrès il se fait avec la nature et que le progrès va pour sublimer la condition humaine et la condition environnementale. Voilà. Aujourd'hui, on a des paysages qui ont besoin de l'homme pour continuer à produire tout ce qu'ils produisent actuellement. Voilà. Et autant l'homme aussi. Je comprends pas quand tu dis ça. Bah, je parle d'entretien du paysage, de terres vouées à l'agriculture, donc de les faire produire plutôt que de construire des immeubles. Voilà, il y a un moment donné, la nature a quand même besoin de l'homme pour l'aider à rentrer dans un système d'abondance. Voilà, nous l'homme, on est quelque part un peu les on va stimuler la nature par nos pratiques. Pour produire une alimentation, pour produire quelque chose, pour produire une biodiversité, pour produire le bien-être, le bien de la plante, de l'animal, ou ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire que l'homme il a sa place dans la nature et que de toute manière l'homme est une espèce animale comme une autre quoi. Mais nous on nous a dû d'une intelligence, donc sachons l'utiliser à bon escient et évitons tous les abus. Effectivement, on est sur un point d'équilibre. Moi aussi, je suis un peu comme toi. On est à un moment de nos vies, à un moment de l'humanité où on doit faire des choix. Et soit on apprend du passé, des erreurs du passé, et on arrête les conneries. Voilà. Soit on est assez con pour dire ce qu'on a fait jusque maintenant, c'était super bien et on va continuer dans cette voie-là. Ou soit il y a une troisième voie qui de réfléchir autrement et d'arrêter de bouffer la conscience et de verrouiller les consciences des personnes. Et surtout que les personnes prennent conscience de ça et se déverrouillent de tout ça et prennent cette troisième voie qui est de se dire c'est pas du tout détruire la planète ou détruire l'homme, il faut absolument trouver la solution pour concilier les deux quoi. Voilà. Et je suis pas contre le progrès, hein. Beaucoup de personnes me disent ouais t'es archaïque, tu veux retourner en arrière machin truc. Non, moi demain j'ai un moteur qui peut faire mon boulot à ma place, je suis content quoi. Voilà. Mais tout est dans un rapport de quand je disais mes trois questions, qu'est-ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour les autres, ce qui est bon pour la planète. Le fait d'utiliser de l'essence pour moi c'est pas crétin. Voilà, c'est améliorer ta condition d'homme au travail en ayant un moteur à explosion, machin truc. C'est pas forcément mauvais pour la planète parce que de toute manière la planète te l'offre ce pétrole. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est la surexploitation de tout ça, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est mauvais à un moment donné. Et pour finir sur le sujet de la banane, ce qui est mauvais, c'est de surexploiter la consommation de bananes. Prenez les yaourts par exemple. Les yaourts dans les années 60, l'industrie agroalimentaire, les yaourts, elles n'en produisaient pas. les yaourts, c'était la fermière qui produisait ses 4 yaourts pour ses gamins, et voilà. Et à un moment donné, l'industrie agroalimentaire s'est accaparée de ça, et on a créé le besoin du yaourt. Aujourd'hui, le yaourt est devenu un produit de consommation de quasiment de base. Alors que notre base de l'alimentation, c'est pas le yaourt, c'est tout ce qui est céréales, protéines animales et tout ça. Alors que maintenant, on nous fait bouffer du yaourt à toutes les sauces. Vous allez dans un supermarché, vous prenez le rayon yaourt, voilà, et vous le comparez au rayon culturel. Et vous me direz ce qui est le plus important, le plus imposant dans un supermarché aujourd'hui. Vous allez pas très loin, vous allez à l'Intermarché du Bug. Voilà, vous mesurez le linéaire en produits culturels, c'est-à-dire qui est censé être là pour vous stimuler votre intelligence, votre créativité, tout ça, et vous le comparez au rayon yaourt. Voilà. Et on se revoit demain et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Super. Et les mots de la fin là, un dernier mot de fin, quelqu'un? Quand je te montrais ton micro, en fait, les insectes copulent sur ton interrupteur rouge. Non, parce qu'il y en a un tout seul, hein, c'est pas... Ouais, mais tout à l'heure, il était à 3-4. C'est bien, non? Ouais, il se débrouille bien. Voilà, c'était juste pour dire qu'on est dans la nature. Et que les insectes aiment la lumière rouge et se frottent dessus. Non, voilà, ouais, j'arrête la banane. Non, non, moi, je vais venir faire pousser de la banane en Dordogne. C'est mon prochain défi. Non, je disais que si t'aimes tant la banane, autant aller vivre là où il y en a. Ouais, c'est une autre solution. Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Après, moi... Ouais, moi j'ai vu des vidéos sur des choses comme ça, là. C'est aux États-Unis, je sais plus dans quel... Et le gars, il disait par rapport... Il avait une serre, mais qui était complètement autonome, quoi, en fait. Hein, il la chauffait pas et tout. Et il faisait pousser des variétés dedans. Des trucs qui nécessiteraient plus de chaleur si c'était à l'extérieur. Mais lui, il disait, bon, c'est peut-être un peu barré, ou peut-être il disait, mais avec le réchauffement climatique, et tu le vois, c'est avec le réchauffement climatique que t'as un changement, l'environnement, il change avec le réchauffement climatique. De toute façon, donc... Après, c'est vrai que... On sera en Afrique, bientôt dans le sud-ouest. Ouais, la semaine prochaine. Hein? Mais c'est non, vrai, c'est je sais cool. pas, non, non ouais. Je rigole avec ça, mais il n'y avait pas quelque chose qui se modifiait énormément. Et... Ça se modifie, les gars, mais ouais, là, voilà. C'est la fin, on va modifier ouais. la fin. Ouais. On modifie la fin. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, l'important, c'est que tous ces débats-là, ils sont très importants, voilà. Comme je vous dis, moi, je cherche pas à convaincre qui que ce soit, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est avant tout agir en âme et conscience, quoi. En son âme et son conscience, savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, pour les autres et la planète. Voilà. Et en mon âme et conscience, voilà, ce que je fais au quotidien, est-ce que ça stimule quelque chose de positif, quoi. Et si ça stimule quelque chose de négatif, il faut arrêter tout de suite, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on stimule trop de choses négatives et on n'est plus du tout dans un positivisme et dans la recherche de solutions alternatives et surtout à chercher une troisième voie, quoi. Parce que depuis 10 millénaires, l'homme a exploré pas mal de voies et je pense qu'il y a une troisième voie à explorer. Et voilà. Ouais. Pourquoi une troisième ? Ben, une troisième, parce que la première voie qui était un peu tout... La première voie qui a été déjà la maîtrise de l'agriculture déjà. Voilà où on en est aujourd'hui. L'homme vivait de chasse et de cueillette, et jusqu'au jour où il s'est dit, ah bah tiens, bien, si je pouvais domestiquer et dompter la nature, donc en faisant de l'agriculture, hein, donc l'agriculture n'est qu'un domptage de la nature, hein, voilà. Voilà où ça nous mène aujourd'hui. Hein, avec tous ses travers, voilà. Et la deuxième voie, c'était la deuxième voie du capitalisme. Voilà. Et on voit où on en arrive aujourd'hui. Voilà. Donc je me dis que soit on continue avec ça, soit on fait autrement. Et je pense qu'il y a une troisième voie, je ne sais pas laquelle, voilà, j'ai pas la réponse. Voilà, je pense commencer à l'exploiter, cette troisième voie-là, voilà, en résistant à tous ces systèmes-là qui me déplaisent, parce qu'ils ne m'apportent plus rien, ils n'apportent rien aux autres. Et ils apportent surtout le malheur. Voilà. Moi, j'ai envie d'être heureux. J'ai envie que les gens soient heureux. J'ai envie de rendre les gens heureux. Et voilà, cette troisième voie, c'est peut-être une voie peut-être plus spirituelle, plus philosophique, plus Voilà. Je ne sais pas encore pour l'instant, mais voilà. Mais agissant en âme, agissant en votre âme et conscience, et je pense que les choses se rétabliront d'elles-mêmes, quoi. Voilà. Merci, maître Cédric.